s'épanouir. Le droit d'être exigeant et d'exiger. Le droit d'être riche de presque rien. Le droit d'être pauvre de toutes sortes de richesses. Face à la tronçonneuse.